Je suis femme duplicateur, comme un papier carbone. Je suis le canevas de millions de personnes, une ombre sans visage. Et je passe et je meurs comme les mirages. Si je pouvais m'inventer une autre identité, je serais emporter dans mes joies.